Leçon 2, exercice 41. Fob ou fil? Exemple. Vous n'aimez pas la publicité. Vous êtes... publiphobe. À vous. Vous aimez collectionner les beaux livres. Vous êtes... bibliophile. Vous n'aimez pas la foule. Vous êtes... agoraphobe. Vous n'aimez pas être enfermé. Vous êtes... claustrophobe. Vous aimez le cinéma. Vous êtes... cinéphile. Vous n'aimez pas les étrangers. Vous êtes... xénophobe. Vous aimez la France. Vous êtes... francophile. Vous n'aimez pas les animaux. Vous êtes... zoophobe.